Sera le paradis. comme le paradis. Nous allons vers demain, demain, demain, demain, demain sera toujours demain, demain, demain. About the day, about the loop. We are.